Vous écoutez toujours Futur Simple et toujours bien sûr sur les ondes de CKRL au 89.1 avec les succès de films comme Resident Evil ou des séries de télé comme Walking Dead. La popularité des zombies ne se dément pas. De par le monde, des dizaines de marches zombies sont d'ailleurs organisées où des centaines de personnes se déguisent en morts-vivants. Et avec l'Halloween à nos portes, Jean-Daniel Doucet, notre chroniqueur 100% chimique, il a dépassé la fiction cette semaine en nous trouvant des vrais zombies, oui, des vrais qui sont contrôlés par des neuroparasites. Bonjour Jean-Daniel. Bonjour Valérie. D'abord Jean-Daniel, est-ce qu'il existe vraiment des petits organismes capables de zombifier, on va appeler ça comme ça, des êtres vivants? Ben, si on définit, Valérie, un zombie comme un animal inconscient dominé par une force occulte et dont le mal est contagieux, ben absolument, on peut parler de vrais zombies. Sauf qu'on parle pas ici de magie noire, mais de parasites. Il y a d'ailleurs une science récente qui se consacre à leur étude, donc la neuroparasitologie. Mm-hmm. On trouve d'ailleurs un très sérieux dossier sur le sujet dans le numéro spécial du Journal of Experimental Medicine paru en janvier 2013. Alors dans ce dossier-là, on va y traiter de vers, de champignons, d'êtres unicellulaires et même de virus capables de contrôler l'esprit des animaux. Voilà qui nous met dans l'ambiance. C'est quand même inquiétant tout ça. Mm-hmm. Je suppose qu'il en existe même pour les humains, on en parlera peut-être plus tard. Mais d'abord, comment est-ce que de si petits êtres vivants comme des virus arrivent à prendre le contrôle de gros organismes complexes? Mais d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un parasite, ben, c'est un organisme qui va se nourrir, s'abriter et se reproduire en tirant profit d'un autre organisme. Donc, pour éviter de se faire attraper, il va devoir tromper le système immunitaire de son hôte. Mais il y a certains parasites qui vont plus loin encore et qui vont tromper l'esprit de leur hôte à l'aide de neuromodulateurs. Les neuromodulateurs, ce sont des molécules qui vont interférer avec le fonctionnement normal du système nerveux de l'animal. Certains parasites influencent donc la sécrétion de molécules comme la dopamine, par mm-hmm. exemple, qui, elle, est impliquée dans la voie de la récompense. Entre autres, donc quand on fait quelque chose de bien, on mm-hmm. a de la dopamine qui va être sécrétée. Certains des parasites aussi, des neuroparasites, vont également entraîner la sécrétion de sérotonine qui, elle, est impliquée, entre autres, dans l'humeur, l'appétit, la mémoire. Et donc, ces parasites-là vont utiliser ces neurotransmetteurs-là pour contrôler l'esprit de l'animal. Quand ça contrôle l'humeur, on sent que ça commence à rentrer dans notre comportement. Absolument, finalement. Donc, ils contrôlent directement le cerveau des animaux hôtes, un peu comme des hackers, finalement. Exactement. Et pour certains parasites, Valérie, le contrôle peut être vraiment finement régulé. Ils vont, par exemple, activer l'expression de facteurs de transcription. C'est des tout petites molécules qui vont aller activer la production d'hormones. Donc, ils vont activer la production d'hormones par les gènes qui codent pour les hormones. Ces hormones-là vont ensuite modifier le comportement et même parfois la personnalité de l'hôte, selon Robert Poulin, un écologiste de l'Université d'Otago en Nouvelle-Zélande. Donc, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, en jouant sur l'humeur, des animaux peuvent vraiment modifier leur comportement. Évidemment, là, tout ça, c'est très complexe et encore mal compris, mais on utilise aujourd'hui des techniques modernes de protéomique et de génomique pour essayer de relier les interactions biochimiques entre l'hôte et son parasite zombifiant, si vous me permettez l'expression, avec des changements de comportement bien réels. Donc, voir par quel mécanisme tout ça passe. Mais là, t'as pas assouvi ma curiosité. Je veux des exemples, Jean-Daniel. Oui, il y a d'excellents exemples qu'on peut retrouver, entre autres, dans un article du Business Insider de décembre 2012. Pour aller voir ça, pour ceux qui s'intéressent à aller voir des images sur le web. Moi, je vous en donne quelques-uns aujourd'hui. Et je dois avertir que certains des exemples peuvent ne pas convenir aux plus jeunes enfants ou peut-être même aux adultes qui sont en train de manger. Bon, la mise en garde est faite. Alors, allons-y pour les plus courageux de nos auditeurs qui ont choisi de faire connaissance avec ces zombies invertébrés. Alors, allons-y. Si vous n'aimez pas les fourmis, Valérie, je ne sais pas quelle est ton opinion des fourmis, mais si tu n'aimes pas les fourmis, tu seras contente d'apprendre que les champignons... il y a un champignon qui s'appelle, vous me pardonnerez l'expression latine, le champignon Ophiocordyceps unilateralis, qu'on surnomme le champignon zombie. Mm-hmm. On le retrouve surtout dans les régions tropicales, mais aussi dans certaines régions tempérées du Japon et de l'Amérique du Nord, où il va être pathogène pour certaines fourmis charpentières, donc celles qui vivent à l'intérieur du bois. Sous l'impulsion de ce champignon-là, la fourmi charpentière va quitter son nid seule. Elle va s'aventurer dans la forêt, un peu comme un zombie errant, si on veut. Alors, plus loin, les fourmis vont aller grimper à environ 25 cm du sol sur des feuilles ou des branches dans un arbre, par exemple. Alors, une fois qu'elles vont atteindre une feuille, les fourmis s'arrêtent net. Elles prennent une grosse mordée dans une des feuilles avec leur mandibule et elles bougent plus de là. Alors, pendant que la fourmi attend là et se meurt littéralement, le champignon, lui, va se nourrir de la fourmi et de l'apport de nutriments qui vient de la feuille. Mmh. Donc, le champignon va ensuite former une sorte de protubérance monstrueuse qui va sortir de la fourmi. Et comme ils sont situés en hauteur sur la feuille, ben le champignon va pouvoir facilement disséminer aux 80 ses spores et aller contaminer d'autres fourmis. On pourrait presque dire qu'il est rusé. Presque, oui, effectivement. La fourmi, finalement, devient une sorte d'incubateur pour le champignon. Si on veut, hein, ben, oui, les fourmis ils seront pas les seuls non plus à être torturés comme ça. Il y a également des araignées qui vont pouvoir être soumises par des guêpes parasites. Bon, bah, je suis contente de savoir ça. Si moi, j'aime pas les araignées, est-ce que ça va me permettre de me débarrasser des araignées? ça pourrait être peut-être un moyen de débarrasser des araignées à la maison. En fait, c'est une guêpe qui s'appelle Hymenoepimesis argia faga. Je vois que tu t'es entraîné. Oui. Donc, bref, une sorte de guêpe qu'on retrouve au Costa Rica et qui parasite l'araignée Plesiometa argyra. Donc, c'est une araignée qui est parasitée par une guêpe. Ce qui va se produire, c'est que la guêpe femelle adulte pique l'araignée, ce qui va la paralyser. Et puis, pendant ce temps-là, la guêpe va pondre ses œufs dans l'araignée. Alors, la guêpe s'en va, laissant l'araignée tisser sa toile, manger des insectes, la routine, quoi, si on veut. Et pendant ce temps-là, les larves vont se développer en se nourrissant du sang de l'araignée. Quand les larves sont prêtes, elles vont injecter un produit chimique qui force l'araignée à stopper sa toile pour en produire une autre qui est beaucoup plus épaisse, qui, elle, va servir à protéger le cocon des guêpes larves. Donc, une fois que le travail est achevé par l'araignée, l'araignée s'arrête au milieu de sa toile sans bouger pendant que les larves vont terminer de la bouffer littéralement de l'intérieur. Alors, bon appétit, tout le monde. C'est charmant. Donc, la science dépasse carrément les films d'horreur. Mais dis-moi, Jean-Daniel, est-ce qu'il existe aussi des parasites zombifiants pour les vertébrés? Parce que là, on a parlé de fourmis, d'araignées, mais pour des animaux plus gros, qu'est-ce qui se passe? Oui, il en existe. Donc, le parasite zombifiant classique chez les vertébrés, c'est probablement Toxoplasma gondii. C'est un protozoaire intracellulaire obligatoire. Ça veut dire que c'est une cellule unique qui va vivre dans des cellules. Alors, on dit souvent qu'il faut garder ses amis près et ses ennemis encore plus près. Ben, Toxoplasma gondii a très bien compris cet adage-là. Alors, en se cachant à l'intérieur des cellules de l'organisme hôte, elle va aussi se cacher de son système immunitaire. Et de là, elle va pouvoir manipuler son hôte, ce qu'elle fait assez bien d'ailleurs. Si on note chez les rats mâles infectés par Toxoplasma gondii, les rats mâles vont devenir plus attirants pour les femelles saines. Donc, s'ils sont infectés par le protozoaire, ils vont devenir plus beaux bonhommes, si on veut. Mais pourtant, un individu malade, c'est pas franchement attirant, non? Ça devrait être repoussant, au contraire. Oui, en temps normal, t'as raison, Valérie, c'est plus repoussant quelqu'un qui est malade. Sauf que Toxoplasma, lui, va induire la production de testostérone par les testicules du rat. Mmh. Alors, selon un chercheur du Nanyang Technological University à Singapour, ça expliquerait la plus grande attirance des femelles qui attrapent les mâles qui ont attrapé le protozoaire. Ça expliquerait aussi une plus grande audace et une plus grande prise de risque chez les rats. Donc, le résultat, c'est que l'animal a plus de testostérone, est moins peureux et a va plus s'aventurer dehors, il y a plus de chances de se faire attraper par un chat qui est l'hôte final du protozoaire. Voilà. Donc ça permet de... C'est planifié tout ça. C'est planifié, tout ça permet au protozoaire, le toxoplasma gondii, de se propager plus facilement. Et dis-moi, le virus, bon, donc se propage plus facilement, mais le toxoplasma gondii, c'est pas aussi un parasite humain, ça? Oui, on le retrouve aussi chez les humains. Les hommes infectés chez les humains vont aussi, eux, paraître plus beaux bonhommes, si on veut. Ils vont être plus masculins. Et on a même mesuré qu'il y aurait 3 cm de plus grand que la moyenne. D'ailleurs, et donc on suppose que des mâles seraient plus susceptibles de pogner, si on veut, avec les filles pour transmettre le protozoaire. On voit aussi chez ces individus-là des changements de personnalité. Ils vont devenir, entre autres, plus lents. Et ils vont avoir des indications aussi. Il y a une plus grande prévalence de la schizophrénie chez certains individus. Donc, on crée pas des zombies à proprement parler, mais il y a clairement là chez l'humain, en tout cas, du fait de l'infection de toxoplasma gondii, un effet zombifiant sur le cerveau. Et pour terminer très rapidement, Jean-Daniel, est-ce qu'on doit craindre d'autres parasites zombifiants pour nous autres, les humains? Oui, il existe d'autres parasites zombifiants. Il n'y en a pas des tonnes non plus, mais le plus connu est certainement le virus de la rage, qui va causer une inflammation aiguë du cerveau des animaux à sang chaud dont nous faisons partie. Donc, une fois qu'on est contaminé par la morsure d'un animal infecté et fou, le virus se propage le long du système nerveux périphérique jusqu'au cerveau. Donc, au bout d'un certain temps, les victimes vont développer souvent aussi une peur profonde de l'eau. C'est assez connu pour la rage. Les gens deviennent littéralement hydrophobes. On a peur de l'eau. Et sans eau, on peut pas avaler le virus qui, lui, se multiplie dans les glandes salivaires. Donc, il va rester dans la bouche. Et comme les victimes vont éventuellement devenir très agressives, on va avoir tendance à mordre les autres, eh bien, on va rapidement propager le virus comme ça. Donc, on crée des zombies. Mais heureusement, dans le cas de la rage, il existe un vaccin, en tout cas. Absolument, Valérie. Merci beaucoup, Jean-Daniel, pour cette sinistre chronique tout à fait dans le ton en veille d'Halloween. Merci, Valérie.